Avoir une fille, c'est faire un crime. Où le coupable est la victime. Avoir une fille. Avoir une fille. Pourquoi rester à vieillir dans ce monde où tu n'es plus? Est-ce qu'on a le droit de choisir quand celui qu'on aime pour vous se tue? Ne cherchez pas à nous comprendre, ne cherchez plus rien de nous. Brûlez d'amour, vous laissez en cendres, mais restez cachés au froid chez vous. Moi, je meurs d'amour. Moi, je meurs. Se couche sans le goût de toi sur ma bouche. Roméo, Roméo, j'arrive, attends-moi là. Roméo, je t'aime trop. Que demain le jour se lève sans le goût de toi sur mes de la peine. Moi j'en ai eu tellement pour vous. Je vous laisse avec votre haine, mais laissez-moi partir loin de vous. Moi je meurs d'amour. Moi je meurs. 广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫 Pops 音乐，让您轻松享受生活，每天5点17点播出。 欢迎继续收听 Pops 音乐，在接下来的节目中请欣赏韩国版原创音乐剧罗密欧与朱丽叶中的精彩唱段。 Thank you. 작은 고백 죽어가는 사람에게 재촉하는 유언 잊어버리란 말도 그건 내게 너무 아픈 충고 덫에 걸린 사슴에게 쏘아올린 화살 급히 새 화살로도 뚫을 수 없는 순결 그 어떤 유혹에도 빈틈없는 그 순결

새별 잠긴 내 님의 두 눈 찾았네.

속이고 새벽이 오려면 아침 가야만 하겠죠 종달새 노래하고 아침이 밝으면 이제 노래하고 아침이 밝아오면 이제 가셔야 하나요 소적새 지적이고 새벽이 밝아온다 하여도 남겨진 두 눈물빛보다 맑게 새벽보다

家，나의영혼그대에게간구하니두입술로죄를씻어눈처럼희게해줘단한번만에 的 Pops 音乐就到这里，感谢收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。